Ils ont violé nos terres, ensanglanté nos rivières, ils nous ont affamés. Oh non, oh non, de leur vérité, il est loin le temps des lumières. Aujourd'hui c'est la guerre, vers eux nous allons marcher. Oh non, oh non, de la liberté. Compagnons de la liberté.